Thank you.

Charlie. Oh, t'entends pas Charlie, est-ce que tu peux monter ou alors connecter? T'as juste à cliquer en haut à gauche. T'as juste à cliquer et à jouer Charlie. Allez Charlie. Japon là-bas, tu dois manger beaucoup.